Dixième chapitre. Attaque de Quimper par La Fontenelle. La Fontenelle, après sa mise en liberté, était demeurée assez tranquille dans son île Tristan, ne faisant plus que de rares excursions. Il avait tressailli de joie en apprenant la conduite de Mercœur, et il avait ri du dépit de son cousin Lavardin. Une seule chose l'occupait par-dessus tout, c'était la ville de Quimper dont il voulait se venger et qu'il avait résolu d'attaquer de nuit pour mieux la surprendre. Il était d'ailleurs vivement encouragé à tenter ce coup de main par ses lieutenants qui lui représentaient sans cesse que la prise de cette ville les enrichirait tous, qu'il serait facile de s'en emparer parce qu'elle avait une faible garnison et que Kermoguer, son gouverneur, gentilhomme sans expérience de la guerre, se laisserait facilement épouvanter par une attaque hardie et bien dirigée. Plusieurs autres motifs le poussaient encore à ne pas différer cette expédition. Il était certain que s'il pouvait pénétrer dans la place, il serait soutenu par un grand nombre de ligueurs avec lesquels, depuis longtemps, il entretenait des intelligences. Il espérait alors ramener sous la bannière de l'Union la capitale de la Cornouaille, car il savait parfaitement bien que, malgré sa soumission au roi, elle était demeurée au fond attachée à la Ligue. Il se rappelait à cet effet avec quelle vigueur et quelle énergie les Quimpérois avaient résisté à Daumont, et il ne pouvait oublier quel mépris et quelle indignation avaient rejailli sur le sénéchal Le Beau et sur les autres conseillers du présidial, quand ils voulurent, à la même époque, livrer la ville à Lézonnette, gouverneur de Concarneau. S'il réussissait à prendre Quimper, il éclipsait par cette affaire le duc de Mercœur lui-même. Plein de confiance, donc, il résolut de se jeter bientôt sur cette place, brûlant du désir de se venger du capitaine Leclou. Mais ses projets furent découverts et facilement déjoués par Kermoguer, qui en eut connaissance. Un des sergents de La Fontenelle, qui était dévoué au gouverneur, lui apprit que la ville devait être attaquée pendant la nuit. Grâce à cet avis, les Quimpérois sortirent de leurs murailles et firent feu sur l'avant-garde des ligueurs aussitôt qu'elle parut. Guy Hédère, comprenant que ses desseins avaient été découverts par quelques traîtres, donna le signal de la retraite et reprit avec les siens la route de Douarnenez. Loin d'être rebuté et effrayé de ce premier échec, il sembla redoubler d'audace et se mit à faire de grands préparatifs pour une seconde expédition. Cette fois, il n'avait pas l'intention de surprendre Quimper de nuit. Il voulait l'attaquer en plein midi, à la face de tous, et montrer ce qu'il était capable de faire au grand jour avec ses terribles soldats. Bientôt, Kermoguer apprit, par le même sergent, que La Fontenelle avait mandé à Douarnenez les garnisons de plusieurs villes alliées et qu'il devait venir l'attaquer avec toutes ses forces. Comme la première fois, le gouverneur prit ses précautions et fit doubler la garde des murailles, mais son attente fut trompée, car rien ne parut. Cependant, le 30 mai, à la pointe du jour, Guy Hédère monta à cheval et sortit de son fort à la tête d'environ 1200 hommes, pour la plupart argoulais ou chevaux légers. Ses cavaliers étaient suivis d'un corps nombreux d'infanterie. Remplis d'enthousiasme et excités par la soif du pillage, ils s'avancèrent en bon ordre, tambour battant et enseigne déployés. Leur chef se croyait si certain du succès qu'il avait fait partir de son île un grand nombre de bateaux ainsi que plusieurs charrettes pour emporter le butin dont il comptait se saisir. En cette occasion, Kermoguer ne put être informé de l'approche de ses ennemis, car La Fontenelle avait eu la précaution de fermer son fort et d'y consigner sa garnison. Quant à lui, accompagné de son lieutenant de Romard, il fit avancer rapidement sa troupe et il était arrivé à Pratenrat sans que les Quimpérois eussent eu le moindre soupçon de sa marche. Pratenrat est un château situé sur la route de Quimper à Douarnenez. Parvenu en cet endroit, du haut de son cheval, il se mit à haranguer ses soldats. Après leur avoir parlé de leurs exploits passés et de toutes les expéditions où il l'avait suivi, il termina par ces paroles. « Mes amis, aujourd'hui ce ne sont pas des paysans que vous aurez à combattre, mais des bourgeois et des hommes de guerre. J'ai la certitude que les Quimpérois sont perdus si nous parvenons à forcer leurs murailles et à rejoindre dans la ville un grand nombre de ligueurs qui n'attendent que notre arrivée pour lever le masque et poignarder Kermoguer. Une fois dans Quimper, vous devez vaincre ou y mourir, sous peine de devenir la risée de la Cornouaille entière. Si vous cédez le terrain et si vous vous effrayez, vous tombez inévitablement entre les mains de vos ennemis et vous allez terminer votre vie sur l'échafaud qui vous attend. » Ce discours, prononcé avec une grande énergie, produisit un puissant effet sur tous ces cruels aventuriers. La Fontenelle donna ensuite l'ordre de se remettre en marche. En ce moment, la campagne était calme et belle, et le soleil brillait au milieu d'un ciel où l'on ne voyait aucun nuage. Enfin, les ligueurs furent aperçus du haut des tours de Quimper. Il pouvait être alors environ 10 heures. À cette vue, les habitants, pleins d'étonnement de l'audace du partisan, se joignirent à la garnison et vinrent border les murailles. « Voyez-vous tous ces gens s'agiter sur leurs murs comme des fourmis inquiètes sur leurs fourmilières ?» dit la Fontenelle à de Romard. « Oh, que cette fois, tous ces bons bourgeois prennent garde à eux, car je leur réserve le même sort qu'à ceux de Pinmar !» Et il se mit à rire, d'un rire vraiment affreux. Son œil d'aigle demeura longtemps fixé sur Quimper, comme s'il eût voulu jouir par avance de la terrible vengeance qu'il se promettait d'assouvir sur ses ennemis. « Oui, reprit-il avec exaltation, tout à l'heure je commanderai en maître dans Quimper, car j'espère facilement m'emparer de l'une de ses principales portes grâce au concours de plusieurs capitaines gascons, poitevins et normands qui font partie de la garnison et qui sont des nôtres. Quant à vous, de Romard, vous resterez en dehors des murailles avec la cavalerie et vous ne me rejoindrez que lorsque je vous en donnerai le signal. » En cet instant, les ligueurs arrivaient près de la chapelle de Saint-Sébastien. Là, ils résolurent d'enlever une barrière située à l'entrée du faubourg et prirent sur le champ leur disposition pour commencer l'attaque. Malgré leur calme apparent, il faut le dire, les bourgeois ne laissaient pas que d'être dans de grandes inquiétudes. D'abord, ils savaient que la ville était dépeuplée par la maladie, que leurs remparts, à cause de leur étendue, seraient difficiles à défendre et qu'enfin, ils n'avaient aucune cavalerie à opposer à celle des ligueurs. Ils redoutaient aussi, avec raison, les traîtres qui étaient parmi eux. D'ailleurs, ils avaient remarqué que depuis qu'il était question d'une seconde attaque, tous les gens suspects se promenaient ensemble et ne se quittaient plus. Qu'en outre, ils semblaient tristes et plongés dans des transes continuelles. Les appréhensions des Quimpérois étaient parfaitement fondées. En effet, les traîtres devaient conseiller à Kermoguer de faire une sortie dès que les ligueurs seraient entrés dans la terre au duc. Alors eux-mêmes, faisant semblant de s'opposer à la Fontenelle, se porteraient de ce côté et feindraient d'être repoussés. Tout en effectuant leur retraite, ils auraient soin de laisser la porte ouverte afin de donner entrée à l'ennemi dans l'intérieur de la ville. Dans cette situation critique, le gouverneur de Quimper faisait de son mieux. Il donnait des ordres pour la défense de la place, sans trop savoir par où commencerait l'attaque. Ainsi, il cherchait à utiliser le peu d'hommes dont il pouvait disposer, plaçant les uns dans les tours et les autres aux barrières. Mais ce fut surtout à la porte Médard qu'il mit le plus de monde, parce qu'il pensa que ce serait le point le plus exposé. Cependant, la Fontenelle, après avoir laissé de Romard à une certaine distance avec sa cavalerie, fit descendre de cheval ses argoulets, et à l'instant, il attaqua la barrière en face de la rue qui mène à Saint-Jean. Un moment, le succès parut douteux, mais lui-même, l'épée à la main, se précipitant comme la foudre sur les soldats de Kermoguer, les mit en déroute et parvint avec les siens jusqu'à la place Saint-Mathieu.